Viens dans mon bel à l'ilette. Il parle de moi mais je les laisse. Je t'ai gâti, j'ai pas la laisse. On manque ses fesses. Ouais ouais je fais tout. Jamais je dirai je lève tout. Oh le con il veut me tête. Je débarque dans ta tête. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort, je lève ma main à des drames, je leur dis ouais. Mais t'es un bon gars, j'en suis bête mais je me sens pas. Ça fait 2 ans que j'nique le game, d'autres me demander comment j'm'appelle. J'vous demande une chose, laissez joule tranquille. Car tout va mal dans sa tête. Jamais un coup d'idée, ouais jamais as. J'vois la lune coucher quand j'cape sur la as. J'sais que les jaloux m'écoutent en cas. Et au bled ça m'écoute pas un bon gars. Vous savez qu'on va tout péter, hein. Parce que ça fait 2 ans qu'ils nous repoussent là. On a un feu aujourd'hui, hein. Hein? Bon, je sens qu'il fait chaud, qu'on est bien, tout se poser avec ma team, tranquille, je suis chez moi à la zone. Merci bien à la zone. Ça tue. Franchement, respect à tous. Big love à ma team. Sur ma vie. Bon, on va se faire une direction vers Ibiza.